السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il nous ait légiféré des moments dans lesquels la récompense est multipliée, augmentée et décuplée. Et ceci est la grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il l'accorde à qui il le veut. Subhanahu wa ta'ala. Aussi, le musulman ne doit pas faire partie des insouciants. Il doit de temps à autre et même régulièrement se rappeler la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Rappelle-toi ce grand bienfait. Te voici dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Le fait d'atteindre les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, c'est un bienfait incommensurable. Nul ne peut l'estimer à sa juste valeur, si ce n'est celui qui nous l'a accordé, subhanahu wa ta'ala, Allah le célèbre, le Seigneur des mondes. Allah le Seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit, le meilleur d'entre vous, Man tala umru, c'est celui qui aura vécu le plus de temps, wa hasuna amalu, et qui aura les meilleures œuvres. Et toi, Allah Azza wa Jal, t'as gardé en vie et t'as permis d'atteindre les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ces 10 dernières nuits, il te faut savoir que ce sont les meilleures nuits de toute l'année. Il n'y a pas meilleur que ces 10 dernières nuits dans ce bas monde. Ce sont des nuits bénies. Ce sont des nuits qui renferment d'énormes bénédictions, un pardon de la part de ton Seigneur, une grâce et une absolution pour les péchés. La multiplication des hasanat et la bénédiction dans ton temps. 20 jours sont passés. 20 jours sont passés du mois de Ramadan. Plus encore, comment avons-nous agi? Comment nous sommes-nous comportés durant ces jours de Ramadan et durant ces nuits? Celui qui a réussi, du moins qui le pense, qu'il remercie Allah Azza wa Jal, c'est grâce à lui. Celui qui a fauté, qu'il se repente et revienne à Allah Azza wa Jal, wa astaghfirullah wa atubu ilayh, mais qu'il ne désespère pas. Qu'il sache que les meilleures nuits de Ramadan sont devant lui. Et s'il excelle dans celle-ci, s'il travaille dans celle-ci, Allah Azza wa Jal lui pardonnera ce qui est passé et le rétribuera en bien et lui donnera l'énorme récompense. Le soleil ne s'est pas levé ou le jour n'est pas entré sur meilleure nuit que les nuits, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Durant ces 10 dernières nuits, il y a une nuit qui se nomme Laylatul Qadr, la nuit de la grande valeur, la nuit de la destinée. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit de la grande valeur, la nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois. Ce qui fait plus de 83 ans. 83 ans et 3 mois et plus encore. Laylatul Qadr est meilleur que plus de 83 ans d'adoration dans laquelle il n'y a pas Laylatul Qadr. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa science et sa sagesse, nous a caché cette nuit. nous a caché cette nuit, afin que le serviteur redouble d'efforts, afin qu'il la cherche et qu'il soit vraiment dans la servitude, afin qu'il fournisse plus d'efforts qu'il aurait fourni s'il avait su, de manière précise, dans quelle nuit elle se trouve. Deuxièmement, Allah Azza wa Jalla l'a caché pour éprouver ses serviteurs et montrer la distinction entre celui qui est déterminé dans sa recherche et dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla de celui qui est paresseux, fainéant et négligent, comme l'a expliqué Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre exemple, notre imam, notre messager sallallahu alayhi wa sallam, ne passait même pas ses 10 dernières nuits chez lui, au sein de ses proches. Allahu Akbar. Il les passait à la mosquée, en i'tikaf, c'est-à-dire qu'il faisait la retraite spirituelle, il se coupait des gens afin de s'adonner à l'adoration d'Allah, à la lecture du Coran, afin de s'adonner à l'évocation d'Allah Azza wa Jal, sa mention, afin de ne pas perdre une seconde, une minute de ces moments bénis, qui lorsqu'ils partent ne reviennent jamais. Il nous faut donc nous préparer et nous investir sérieusement. Certains vont se préparer, surtout avec la fin du confinement. Certains vont se préparer en allant faire des courses. Certains vont se préparer en allant faire des courses pour remplir le foyer, les frigos. D'autres vont aller faire des courses pour acheter des vêtements, les vêtements du Eid, pour acheter les cadeaux du Eid. Naam. Et d'autres vont se préparer avec Ad-Dua. D'autres vont se préparer en comptant leur argent pour voir combien est-ce qu'ils peuvent donner pour Allah Azza wa Jal. Combien de pauvres ils peuvent nourrir. Combien de sadaqat ils peuvent faire. Combien d'argent ils peuvent dépenser pour avoir l'agrément d'Allah, pour être affranchi du feu de l'enfer, pour faire une bonne action au moment où il se trouve dans Laylatul Qadr. Car celui qui fait de bonnes actions dans les 10 dernières nuits, sans aucun doute, il aura été en concordance avec Laylatul Qadr lors de cette bonne action. Barakallahu fikum. Donc, chacun choisit comment est-ce qu'il veut se préparer. Chacun choisit dans quel groupe il veut être. Chacun choisit la place qu'il veut avoir chez Allah, les degrés qu'il veut avoir au paradis. Et en réalité, le plus heureux le jour du Eid ne sera pas celui qui aura les plus beaux vêtements, ne sera pas celui qui recevra le meilleur cadeau, mais celui qui aura le mieux agi dans le mois de Ramadan et particulièrement dans les 10 dernières nuits. Celui qui aura fourni le plus d'efforts, ce sera le plus fatigué, aura fait le plus de demandes de pardon, d'absolution de péché, de lecture du Coran, les prières les plus longues, les plus concentrées, les plus pieuses. Voici le bienheureux. Voici le bienheureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des efforts particuliers dans les 10 dernières nuits. Il nous faut, nous, le prendre pour exemple, sallallahu alayhi wa sallam, et fournir des exemples particuliers. Celui qui sera privé véritablement après Ramadan aura été celui qui aura négligé ses 10 dernières nuits. Celui qui n'aura pas voulu avoir le salaire de 83 années et plus de 3 mois contre 10 nuits à travailler. Subhanallah. Celui qui travaille 10 nuits, il n'a pas le salaire d'un mois à la base, dans le commerce entre les hommes. Mais là, le commerce avec Allah, on te dit, tu travailles 10 nuits, et tu vas tomber en concordance avec Laylatul Qadr, une seule nuit, et on te donnera le salaire de 83 années, et 3 mois, et plus encore. Vraiment, aura été privé du bien celui qui n'aura pas saisi cette occasion. Ces 10 dernières nuits, qui et qu'est-ce qui te garantit de les trouver l'année prochaine ou dans 2 ans? Il dit, ah, j'ai mal agi, je ferai mieux l'année prochaine. Mais qui sait s'il sera vivant jusqu'à la fin de Ramadan déjà? Donc, il nous faut faire des efforts. Il nous faut faire des efforts. Et si Allah voit la véracité dans nos cœurs, il nous aidera. Il nous aidera. Il nous dit dans son livre à la fin de Surat Al-Ankabut. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui font des efforts vers nous, nous les guiderons dans nos sentiers. Et certes, Allah est avec les bienfaisants. Wallahi, si une créature prenait place à la porte d'un riche pendant 10 jours, il frappe à la porte, il tend sa main, il informe de ses besoins qu'il lui donnerait. Il ne pourrait pas le rejeter. Que dire alors de se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala, le vivant qui ne meurt jamais, le Seigneur des mondes, le riche, le généreux, celui qui aime qu'on lui demande. Celui qui aime qu'on lui demande. Et plus on lui demande, plus il aime, subhanahu wa ta'ala. Tu lui demandes de te sauver de l'enfer. Tu lui demandes le paradis. Tu lui demandes le pardon pour les péchés. Tu lui demandes les récompenses, l'acceptation du jeûne, des aumônes, des prières. Allah azza wa jal ne rejette jamais celui qui l'invoque. Ne déçoit jamais celui qui espère en lui. Donc il faut travailler pour ces 10 dernières nuits. Il faut travailler pour ces 10 dernières nuits. En se disant que peut-être on ne les reverra jamais. Il reste 9 nuits. Chaque jour qui passe, il part, il ne revient jamais. Ça fait 21 jours que chaque jour on te dit « Ya bari al khayr akbil » « Oh toi qui cherches le bien, approche !» Et oh toi qui cherches le mal, rebrousse chemin. Ça fait 21 nuits qu'Allah affranchit chaque nuit des gens de l'enfer. Fais-tu partie de ces gens-là? Il te reste 9 nuits pour en faire partie. Il te reste 9 nuits pour agir pour en faire partie. Pour être du nombre des bienheureux, le jour du Eid, et le jour où tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où sera d'aucune utilité l'argent, pareillement pour les enfants, exception faite de celui qui viendra à Allah avec un cœur saint, saint de tout shirk, saint de toute innovation, saint des péchés, saint des discordes, de la rancœur et de l'inimitié avec les croyants. La première chose pour réussir, et la première chose pour réussir cette épreuve, c'est sidqul luju ila Allah. C'est se diriger sincèrement vers Allah en levant les mains, en demandant Allah azza wa jal, en le suppliant. Tu pries sur le prophète alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. Tu fais les éloges d'Allah Azza wa Jal. Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Dhal Jalali wal Ikram. Ya Allah, La ilaha illa anta subhanak. Tu te demandes pardon pour tes péchés. Inni kuntu min al-zalimin. Allahumma aghfirli, warhamni, Allahumma tub alay. Ya Tawwab, Ya Rahim. Tu l'invoques par ses noms. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Tawwab, Ya Ghaffar, Ya Ghafour. Tu demandes à Allah Azza wa Jal. Tu lèves tes mains. Tu oublies qu'il y a des créatures autour de toi. Tu diriges ton cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui demandes comme si tu étais en train de te noyer. Et que personne ne pouvait venir te venir en aide. Avec la certitude que seul Allah peut te sauver à ce moment-là. Tu lui demandes comme celui qui est en train de se noyer. Tu lèves tes mains vers Allah. Et tu lui demandes de t'accorder la réussite dans ces 10 dernières nuits. D'atteindre Laylatul Qadr. En prière, en adoration. Tu lui demandes de te donner la force. Tu as des occupations. Tu as des enfants. Tu travailles. Tu es malade. Tu es fatigué. Mais si Allah t'accorde cela, wallahi, tu l'auras. Demande à Allah de t'aider à rester réveillé. Demande à Allah de t'aider à tenir dans la prière, dans la lecture du Coran. Demande à Allah afin qu'il t'aide pour donner des aumônes, des sadaqat. Demande à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la première chose. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء هو العبادة. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Et lorsque mon serviteur te questionne à mon sujet, je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Il faut demander à Allah, il faut chercher l'aide chez Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit, احرص على ما ينفعك واستعن بالله المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous montre la détermination que le croyant doit avoir et qu'il doit chercher à faire partie des croyants forts. Il nous dit le croyant fort est meilleur et plus aimé chez Allah que le croyant faible, et dans les deux il y a du bien. Sois déterminé dans ce qui t'est profitable. Et aide-toi d'Allah. Cherche l'aide chez Allah. Et ne te décourage pas. Voici les provisions. Aide-du'a. Cherchez l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal. Dites beaucoup la hawla wa la quwwata illa billah. La deuxième chose pour réussir ces 10 dernières nuits. Étudie. On va citer d'abord. Rappelle-toi qu'elles vont passer très rapidement. Je ne sais pas pour vous, pour moi, c'est le Ramadan qui est passé le plus rapidement. Les jours de Ramadan qui sont passés le plus rapidement. Subhanallah. À peine si on a eu le temps d'avoir faim. Subhanallah. Dis-toi que ces jours partent, ils ne reviennent plus. Et tu ne sais pas si tu seras encore vivant pour avoir l'opportunité, la noble occasion de tenir debout devant Allah, de faire des aumônes pour Allah, de jeûner pour Allah, de te repentir chez Allah, et ainsi de suite. Chaque nuit fait comme si c'était ta dernière nuit au monde, et agis. Le troisième conseil pour réussir, c'est de lire, d'étudier les mérites de ces 10 dernières nuits, et leur grande valeur. Et pour finir, d'étudier comment était le prophète alayhi salatu wassalam dans ces 10 dernières. Celui qui réunit ces 4 caractéristiques, on espère auprès d'Allah Azza wa Jal pour nous et les autres la réussite. On espère la réussite. Aisha radiallahu anha, comme le rapporte l'imam Muslim nous dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim nous disent que Aïcha rapporte que lorsque les 10 dernières nuits entraient, c'est-à-dire la fin de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se serrait le pagne, passait, yani veillait la nuit et réveillait ses épouses. Il serrait le pagne, c'est-à-dire il redoublait d'efforts dans l'adoration et il s'éloignait des épouses. Il se concentrait exclusivement à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, il veillait la nuit. Il ne dormait pas ou très peu. Soit il ne dormait pas du tout, soit très peu. Alors que auparavant, il dormait un peu, il priait, il invoquait Allah, il faisait dua, ainsi de suite. Par contre, dans les 10 dernières nuits, non. Il se consacrait à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Entre prière, entre invocation, entre récitation, et ainsi de suite. Et une particularité, il réveillait ses épouses, parce que c'est un moment où il ne convient pas d'être distrait. Il voulait le bien pour elle comme il veut le bien pour lui, de par la perfection de sa foi, sallallahu alayhi wa sallam. Et il passait même ces nuits-là à la mosquée pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on prend cela en considération, on veut ça pour nous, mais aussi pour femmes, pour enfants, pour voisins, pour amis, pour oncles, pour tantes. On transmet ce bien-là, on propage ce bien-là, on encourage ces gens-là. Et on s'entraide dans le bien. Celui qui est seul, pour prier, peut-être qu'il va faiblir. Mais s'il y a son frère, sa sœur, sa mère, son fils, son épouse, et ainsi de suite, ben ça va le renforcer. Ça va le renforcer. Et s'il est seul, parce qu'il vit seul, ou bien pour une raison ou une autre, qu'il se souvienne qu'il a Allah Azza wa Jal avec lui. Le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala doit faire ses comptes sur les 20 jours qui sont passés. Et s'il a eu des lacunes dans ses 20 premiers jours, qu'il réussisse en beauté ces 10 dernières nuits et qu'il se rappelle que l'a'mal bil khawatim. La valeur des actions sera en fonction de leur finalité. S'il finit en beauté, Allah Azza wa Jal lui effacera les lacunes passées. Il lui donnera l'énorme récompense, subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a, ad-du'a, ad-du'a. Ne comptez pas sur votre force, sur votre habilité à réciter le Coran, sur votre mémorisation, sur votre richesse pour faire les aumônes et autres. N'en comptez que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Comptez que sur Allah tabaraka wa ta'ala, le vivant qui ne meurt jamais, celui qui donne, celui qui aide et qui répond toujours à l'invocation de son serviteur. Parlons de Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, dans quelle nuit se trouve-t-elle? Dans quel moment se trouve-t-elle? Elle se trouve dans le mois de Ramadan, sans aucun doute. Et elle se trouve dans les 10 dernières nuits, sans aucun doute. Et elle dure du Maghrib jusqu'au Fajr. Voici les choses que nous savons. Elle est dans le mois de Ramadan, dans la nuit, du Maghrib au Fajr, et elle se trouve dans les 10 dernières nuits. Allah subhanahu wa ta'ala a immensifié cette nuit. Et a même révélé une sourah kamila, entière, sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là. Laylatul Qadr. Il nous dit dans son livre, In bismillahir rahmanir rahim, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre pendant Laylatul Qadr, la nuit de la grande valeur. Et ici, nous, c'est pas nous, la pluralité, c'est nous dans de l'immensité. C'est le nous pour dire qu'Allah est immense, subhanahu wa ta'ala. Anzalnahu, nous l'avons fait descendre. On n'a même pas dit quoi parce que c'est connu chez l'ensemble des musulmans. De par sa noblesse, sa grandeur, cette grande miséricorde, tout le monde sait de quoi il s'agit ici. C'est Al-Qur'an Al-Karim, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fi laylatil qadr, Allah l'a appelé laylatul qadr. Ay dhatu sharaf wa azama wa barakat. C'est une nuit de grande valeur, de bénédiction, une nuit de miséricorde, une nuit remplie de bien. Laylatul qadr, c'est aussi la nuit du destin. La nuit du destin annuel. Il y a le destin, tout ce qui sera jusqu'au jour de la résurrection. Il y a le destin de la vie de la personne qu'on lui inscrit dans le ventre de sa mère lorsqu'il complète 4 mois. Il y a aussi le destin annuel. Il y a aussi le destin annuel qui est pris, qui ne contredit pas le destin qu'il y a dans le Lawh al-Mahfouz, la prédestination qu'il y a dans les tablettes préservées. Il te suffit de savoir que le Coran a été révélé en cette nuit, pour comprendre la grande valeur. Malgré ça, il y a encore beaucoup de textes qui nous montrent la grande valeur de cette nuit. Allah nous dit dans Sourate Al-Baqarah, « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » Le mois de Ramadan, durant lequel le Qur'an a été révélé. Quand est-ce qu'il a été révélé? Il a été révélé dans les 10 dernières nuits de Ramadan, Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. Dans une nuit de ces 10 dernières nuits. Laylatul Qadr est meilleure que 1000 mois. Allah Azza wa Jal nous dit, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Et qui te dira ce qu'est Laylatul Qadr? On nous répète cela pour nous montrer la grandeur et la grande valeur. Et qui te dira ce qu'est Laylatul Qadr? On nous mentionne la chose 3 fois. On nous mentionne la chose 3 fois, comme c'est dans l'éloquence arabe, pour nous montrer la grande valeur de cela. Laylatul Qadr est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire, c'est meilleur d'adorer Allah Azza wa Jal durant Laylatul Qadr que de l'adorer pendant 1000 mois sans avoir eu Laylatul Qadr. Sans avoir eu Laylatul Qadr. Et ça équivaut à 83 années et plus de 3 mois. Subhanallah. Ô combien est cette récompense, ô combien est bénie cette action, cette nuit d'adoration, dans un temps minime. Si vous prenez l'heure du Maghrib, si vous prenez l'heure du Maghrib sur Paris, subhanallah, avant 21h30, jusqu'au Fajr, ça fait combien de temps? Si tu fais 21h30, 22h, 23h, minuit, 1h, 2h, 3h, t'arrives à 4h, yani tu vas travailler moins de 7h. Tu vas travailler moins de 7h et tu auras la récompense de plus de 83 années. Subhanallah. El Karim, El Jawad, El Mu'ti, Tabaraka wa Ta'ala. Il ne faut pas négliger cette occasion. Il ne faut pas perdre cette occasion. تنزل الملائكة والروح فيها. Allah Azza wa Jal nous dit que durant cette nuit, descendent les anges ainsi que l'esprit par la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Ar-Ruh, c'est Jibril alayhi salam. On l'a cité tout particulièrement de par sa distinction et sa grande place auprès d'Allah Azza wa Jal et son grand rôle. C'est l'ange de la révélation. Les anges descendent avec le bien, avec le khayr, avec la baraka. Ils descendent que pour le khayr en cette nuit. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils descendent par l'ordre d'Allah Azza wa Jal que pour le khayr. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Arrivée à l'aube, elle s'arrête. Arrivée à l'aube, elle s'arrête. C'est un moment où il y a la sérénité, où il y a sakina, où il y a le bien, où il y a rahma, où il y a le pardon, où il y a la multitude de musulmans dans le monde entier à sa recherche, qui invoque Allah, qui demande le pardon, qui demande le paradis, qui demande la droiture, qui demande la miséricorde, qui demande la pitié. Sans aucun doute, elle est remplie de bien cette nuit. Cette nuit-là est remplie de bien. Elle est paix de par la multitude de croyants qui invoquent Allah, qui lui demandent le pardon, qui ont peur de son enfer, qui espèrent son paradis, qui ont reconnu qu'ils avaient une seule divinité digne d'être adorée, c'était Allah, le Seigneur des mondes. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Donc le croyant ne doit pas négliger cette nuit. Il ne doit pas perdre Laylatul Qadr. Et si on étudie les textes, on se rendra compte, de par ce que les savants nous ont mâché comme travail, c'est qu'il y a deux moments qu'Allah Azza wa Jal, dont Allah nous a caché la précision en mérite, yani deux moments de grand mérite, deux moments de dua, deux moments d'adoration qui nous ont été cachés. C'est Laylatul Qadr. Et c'est l'heure du Jumu'ah où Ad-Dua est exaucé. Pour l'heure du Jumu'ah, c'est spécifique à l'invocation. Pour l'heure du Jumu'ah, c'est spécifique à Ad-Dua. Mais pour Laylatul Qadr, c'est toutes les adorations. Prière, sadaqat, lecture du Coran, demande de pardon, Dua, sadaqat, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait savoir que l'heure du Jumu'ah, elle est dans le jour du vendredi. Et s'arrête avant le Maghrib. Et pour Laylatul Qadr, que c'est la nuit. Le Jum'a se répète chaque semaine, n'est-ce pas? Chaque mois, toute l'année. Mais Laylatul Qadr, c'est une seule nuit dans toute l'année, subhanallah. Ibn al-Qayyim dit, si pour l'avoir, j'avais dû veiller toutes les nuits de l'année, ça aurait été à faire. Que dire alors? C'est une seule nuit sur 10. Subhanallah. Une seule nuit sur 10. Allahu Akbar. Laylatul Qadr, ou ces 10 dernières nuits de manière générale, ont beaucoup de particularités. Le Prophète sallam faisait des efforts particuliers. Il réveillait sa famille. Il ne dormait pas. Il s'éloignait des femmes. Il faisait l'i'tikaf. Ces nuits-là comprennent Laylatul Qadr. Allah Azza wa Jal a révélé une surah entière sur Laylatul Qadr. Le Coran a été révélé dans Laylatul Qadr. C'est une nuit bénie. C'est une nuit bénie. Comme Allah nous le mentionne dans Surah Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous l'avons révélé durant une nuit bénie, c'est-à-dire le Coran, durant une nuit bénie, c'est Laylatul Qadr. La nuit dans laquelle il y a énormément de bien. Laylatul Qadr. C'est une nuit de pardon, de miséricorde, de pitié et d'absolution des péchés. L'imam al-Bukhari, l'imam muslim nous rapporte le hadith d'Abi Hurayra. Le prophète alayhi salat wa salam dit « Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi » Celui qui prie la nuit de la grande valeur du destin avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Il prie avec foi en Allah. Il prie, il a foi en la récompense qu'Allah a préparée. Il espère cette récompense-là. Il fournit les efforts pour l'obtenir. Allah lui pardonne ses péchés passés. Allahu Akbar. Il lui pardonne ses péchés passés. Donc c'est une nuit bénie. Il ne faut pas la perdre. Il ne faut pas la négliger. Ne dis pas plus tard. Non, dès cette nuit. Dès cette nuit. Probablement la 21e. Et on parlera du comptage par la suite. Ceux qui ont commencé plus tard, c'est pour eux la 20e. Laylatul Qadr, c'est la nuit où on va t'inscrire tout ce que tu auras pour l'année. Donc si tu es en train de prier, en train de pleurer devant ton Seigneur, en train de pleurer pour tes péchés, en train d'invoquer Allah, en train de te prosterner, de t'incliner, de lire le Coran, en train de faire du bien, Naam, on espère que on t'inscrira de bonnes choses pour cette année. Laylatul Qadr, c'est une nuit de dua aussi. C'est une nuit de dua. Aisha radiallahu anha a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, إذا علمت أي ليلة هي ليلة القدر, ماذا أقول? Regardez la motivation des femmes de cette époque. La motivation de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne veut rien perdre des 10 dernières nuits. Elle ne veut pas manquer la meilleure chose à dire dans Laylatul Qadr. Elle n'est pas au niveau de choisir entre le bien et le mal. Elle est au niveau de savoir quel est le meilleur des deux biens. Quel est le meilleur des deux biens. Le savant n'est pas celui qui distingue que entre le bien et le mal. C'est celui qui, lorsqu'il a le choix entre deux biens, il sait lequel choisir parmi les deux. Et Aïcha faisait partie de ces gens-là. La femme la plus savante au monde, radiallahu anha. Ô messager d'Allah, vois-tu si j'ai connaissance de Laylatul Qadr? Dans quelle nuit se trouve-t-elle? Que devrais-je dire? Qala laha, il lui répondit, Quli Allahumma. Innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dis, ô Allah, tu es absoluteur. Tu aimes l'absolution. Absous-moi donc. Absous donc mes fautes. C'est le conseil de qui à qui? Mettez-vous dans cette situation. C'est le meilleur des hommes au monde. La meilleure créature d'Allah, le plus éloquent, le plus grand conseiller au monde, qui veut le plus le bien pour sa communauté, qui a fourni le plus d'efforts pour qu'il rentre au paradis et soit protégé de l'enfer, qui s'adresse à qui? À la femme qu'il aime le plus au monde à cette époque. Qui s'adresse à son épouse. Celle qui l'a accompagné dans l'aisance et la difficulté. Celle qui a embelli ses jours et ses nuits. Celle qui s'occupe de lui, sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anha. Celle qu'il a vue en rêve et de quelle il a dit, depuis que je t'ai vu en rêve, étant mon épouse au paradis, supporter la mort m'est plus facile. Aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Celle qui était la fille de son meilleur compagnon, Abu Bakr radiallahu anhu. celle qui a eu l'excellence dans tous les rôles qu'elle a endossés en tant que fille de Abu Bakr, en tant que mère des croyants, en tant qu'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, en tant qu'enseignante pour la communauté, en tant qu'exemple pour les femmes, pour les filles, pour les sœurs, radiallahu anha. Il s'adresse à elle. Donc quel conseil lui donne-t-il? Le conseil du prophète, le conseil du messager, le conseil de l'époux aimant, miséricordieux, bienveillant, sallallahu alayhi wa sallam. Le conseil de celui qui a un cœur pur envers la personne qui est en face. Il lui dit, dis, Allahumma, innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'afu anni. Oh Allah, tu es absoluteur, pardonneur. Tu es celui qui efface les péchés de ses serviteurs, qui efface les fautes de ses serviteurs. Ils ne les trouvent plus dans leurs feuillets. Tu les préserves des effets néfastes des péchés, ya Allah. C'est ça, el afu. Allahumma innaka afuun. Tuhibbul afwa. Tu aimes l'absolution. Tu aimes effacer les fautes de tes serviteurs. Tu aimes leur faire miséricorde, leur pardonner, leur effacer. Fa'afu anni. Absous donc mes fautes. Pardonne-moi donc. El afu, c'est plus spécifique que le marvira. Et plus fort encore. Mais lorsque l'un est mentionné sans l'autre, ça englobe les deux. Donc voici la dua à dire. Voici la dua à dire par excellence. On dit toutes les da'awat, on dit beaucoup de da'awat, de dua, d'invocation, de demande. Mais particulièrement, on demande à Allah l'absolution des péchés. C'est la meilleure chose à demander. Sortir le mois de Ramadan, lavé de tout péché. Allahu Akbar. Sortir le mois de Ramadan, le dos léger. Sortir le mois de Ramadan, les feuillets de péché qu'on a tant noircis depuis notre puberté, blanchis. Sortir du mois de Ramadan, pieux. Taqi, taqiya, pieux, pieuse. Sortir le mois de Ramadan, serviteur, pieux et aimé chez Allah Azza wa Jal. Ayant une place chez Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sortir du mois de Ramadan, en étant affranchi de l'enfer. Tu sors du mois de Ramadan, Allah a décrété, a décidé que ton visage, que ton corps, que ta personne soit interdite au feu de l'enfer. Interdit. Quelle plus belle chose que cela, Ikhwan il-Kira, mes très chers frères, quelle meilleure chose que cela. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Ce hadith est rapporté par l'imam ibn Majah. Et il est dans Sahih al-Jami'a. Donc, apprenons cette invocation. Notons-la. On la transmet, on l'inscrit. Aujourd'hui, les gens, beaucoup, malheureusement, propagent tout et n'importe quoi sans vérifier. Ça, c'est une invocation qui est authentique. Notez-la, mémorisez-la. Enseignez-les aux parents, aux épouses, aux enfants, aux amis. Écrivez-la. Propagez-la. Jazakumullahu khayran. Il se peut que par ta cause, wallah, une personne égarée, une personne qui consommait de l'alcool, une personne qui vivait avec une femme dans le haram, une personne qui se droguait, une personne qui délaissait les prières, une personne qui désobéissait à ses parents, une personne qui désobéissait à son époux, une personne qui ne priait, ne se levait pas pour la prière et ainsi de suite. Il se peut qu'il se trouve à un moment de la nuit, tu lui as donné cette invocation. Allah Azza wa Jal le guide par ta cause et il dit cela une fois. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et qu'Allah l'exauce. Qu'il le sauve de l'enfer. Qu'il lui pardonne ses péchés passés et qu'il l'inscrit parmi les gens du paradis. Tu revois cette personne-là dans la droiture. Tu la retrouves à la mosquée dans les premiers rangs. Lorsque les gens mangent, tu la vois en train de jeûner. Lorsque les gens dorment, elle se lève pour prier. Lorsque les gens sont silencieux, ils parlent pour faire du zikr. Et lorsqu'ils disent des bêtises, ils disent du zikr. Tu ne sais pas où est le bien. Tu ne sais pas qui sera guidé. Tu ne sais pas ce qu'on inscrira pour les gens cette année. Mais fais les causes. Après avoir voulu le bien pour toi, tu dois le vouloir pour les autres si ta foi est bonne et ton cœur est propre. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Men لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Nul parmi vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Comme bien, comme c'est venu dans l'autre version. Donc voici le summum de ce qu'on peut demander, c'est le pardon. C'est l'absolution. C'est l'absolution. Et ici, il y a une chose sur laquelle il faut, une chose subtile qu'il faut remarquer. C'est que qui va faire cette dua? C'est Aïcha. Est-ce que Aïcha radiallahu anha fait partie des femmes des péchés? Des femmes désobéissantes? Hacha. Elle fait partie des femmes les plus vertueuses au monde. Elle fait partie des rares femmes ayant complété la servitude. Radiallahu anha. Malgré ça, Allah, le prophète lui enseigne cette invocation. Comme il le fit auparavant pour son père. Ou comme il le fit également pour son père, lorsque Abu Bakr a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, allimni du'a'an ad'u biha rabbi fi, bi rabbi fi salati. Ô messager d'Allah, enseigne-moi une invocation que je pourrais dire pour invoquer mon Seigneur en prière. Le prophète salam lui a enseigné de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma, إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. Oh Allah, je me suis opprimé moi-même et j'ai de nombreux péchés et nul ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Pardonne-moi donc en m'accordant un pardon émanant de toi. Allahu Akbar. Qui va dire cela à Abu Bakr? Ainsi, on comprend que plus la personne est pieuse, plus elle demandera pardon et plus elle immensifiera la faute dans son regard. Et comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, certes le pécheur, le pervers, voit ses fautes, ou plutôt certes le croyant, voit ses fautes comme une montagne. Devant lui, il a peur qu'elle s'écroule. Il craint qu'elle ne s'écroule. Et le pervers ou l'hypocrite voit ses péchés comme une petite mouche qui s'est posée sur lui. Il lui a fait comme ça, elle s'est envolée. Il lui a fait un geste de la main, elle s'est envolée. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc nous, à plus forte raison, doit demander pardon. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ighfir lana dhunubana ya ghafur ya ghaffar. On doit véritablement fournir des efforts pour atteindre cette nuit, pour agir durant cette nuit. Le but de cette assise est de comprendre son importance et de travailler pour. Comprendre son importance et aller à sa recherche. Aller à sa recherche. Allah Azza wa Jalla nous l'a caché, c'est pas pour rien. C'est pour qu'on la cherche. Pour qu'on la cherche. L'enfant de plus sa tendre enfance, naturellement aime qu'on lui cache les cadeaux, qu'on lui cache la belle chose. Et il aime la découvrir, il aime la chercher et la trouver. Les choses précieuses, on les donne pas comme ça. Subhanallah, le paradis nous a été caché. Le paradis nous a été caché. L'enfant dans le ventre de la mère est caché. Le cadeau, en général, on l'emballe. Wahakana. Et même les habitants du paradis, lorsqu'ils vont réussir leur épreuve, et qu'ils vont traverser Sirat, et qu'après avoir reçu le livre de la main droite, après avoir eu la balance alourdie, après avoir traversé Sirat, après avoir réglé les choses, vont attendre un temps avant d'entrer au paradis. Et méditez la fin de Sourate Zumar, et vous verrez le waouh pour les gens du paradis. Le temps avant d'entrer au paradis. Alors que pour les habitants de l'enfer, il n'y a pas ce waouh là, parce qu'ils vont tomber directement en enfer. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc on fait des efforts dans les 10 dernières nuits. Un autre conseil. Après 20 jours d'efforts, c'est normal d'être fatigué. Mais ne laissons pas Shaitan nous laisser croire qu'on est plus faible que nous le sommes. Non. Tu es fort par Allah Azza wa Jal, tu es fort avec Allah. Tu es fort avec le dhikr, tu es fort avec le dua, tu es fort avec la détermination. Tu es fort avec le groupe. Beaucoup font des efforts les 10 premiers jours et les 10 dernières nuits, les 10 premiers jours, les 10 secondes, pareillement pour les nuits. Et arrivé dans les 10 dernières, subhanallah, dorme. Dis, je suis trop fatigué, je suis trop. Non! Va te mettre de l'eau sur le visage. Dors 1 heure dans la journée. Mange plus léger. Diversifie et prends ce qui t'est profitable. Naam. Fais plus de dua, demande à Allah l'aide. Allahumma inni ala dhikrika, shukrika, husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'invoquer, à me souvenir de toi, à être reconnaissant vers toi et à convenablement t'adorer. Et si lui est fatigué et l'autre est fort, il aide celui qui est fatigué. Il aide celui qui est fatigué. On s'entraide, on s'encourage. Jazakumullahu khayran. Ne voyez-vous pas lorsqu'il y a les soldes, les grands commerçants commandent, en gros, pour déballer cet étalage et pour faire de grands bénéfices. Là, c'est un commerce avec Allah Azza wa Jal et c'est une seule nuit durant ces 10 dernières nuits. Et la récompense est incommensurable, inestimable. Donc on ne perd pas cette occasion. On ne perd pas cette occasion. Et on encourage femmes, enfants, proches. On s'entraide dans ce bien-là. On s'entraide dans ce bien-là. Tu dois vouloir qu'Allah les sauve de l'enfer. Tu dois vouloir qu'Allah les élève au paradis. Tu travailles, tu payes le loyer, c'est bien. Tu les habilles, c'est bien. Tu leur amènes ce qu'ils aiment manger, c'est bien. Mais où en es-tu dans le vêtement de la piété? Où en es-tu dans la protection contre l'enfer? Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez-vous et vos familles. Et vos familles d'un feu. Quel sera le combustible de ce feu-là? Les gens et les pierres. N'as-tu pas de pitié pour eux? Tu les laisses dormir? Tu les laisses distraits, insouciants et tu penses qu'au cadeau du Eid? Enseigne-leur la valeur de ces nuits-là. En premier lieu, ils doivent te voir, toi, ayant considéré cette nuit-là. Sois un exemple parlant, vivant. Et on ne va pas dire, ça suffit de faire, non. Aussi, tu leur dis et tu les encourages. Certaines méthodes d'enseignement, qui ne sont pas filtrées par le Coran et la Sunna, ont tendance ces années à pervertir la manière de penser de nos épouses dans l'éducation de leurs enfants. J'entends par cela la méthode Montessori, si elle n'est pas prise en la purifiant de ce qui contredit le Coran et la Sunna. Et là, on a un cas concret. C'est le fait de dire, on laisse la personne, quand elle voudra, elle fera. On laisse la personne, selon son, ce qu'elle pense avoir comme rythme et pouvoir supporter. Non, là, c'est pas le cas. Là, on va encourager. Là, on va prendre par la main. Là, on va faire avancer. Barakallahu fikum. Et tu verras que la personne fera et elle dira, subhanallah, je ne pensais même pas pouvoir réaliser cela. Je ne pensais même pas pouvoir réaliser cela. Certaines femmes dans toute l'année ne tiennent pas plus d'un seul hizb de 10 pages pour prier la nuit. Durant le mois de Ramadan, tu les vois pouvoir tenir un hizb, 2 hizb, 3 hizb, 4 hizb et plus encore. Bifadlillahi azza wa jal. Et l'enfant que tu n'as jamais vu prier la nuit, tu le vois qu'il tient 1 heure debout en prière. Et lorsqu'il va dormir parce qu'il est malade, tu le vois triste. Allahu Akbar. Qurrata ayn. C'est ça, qurrata ayn. C'est de voir tes enfants dans l'adoration d'Allah. De voir tes enfants tenir le mushaf, lire le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal. Il n'était même pas une goutte, ces enfants-là, et toi, tu tenais le mushaf. Tu ne savais même pas que tu allais avoir des enfants. Et aujourd'hui, tu les vois tenir le mushaf. Ça, c'est qurrata ayn. Rabbana, هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. C'est ça قرة أعين. C'est de voir ta famille dans l'adoration d'Allah. C'est de voir tes enfants rayonner de par la récitation du Coran, de par la mémorisation du Coran, en te disant, ô père, ô mère, aujourd'hui je jeûne. Ô mère, ô père, réveille-moi demain pour le sahur. Qurrat a'in, c'est ça qurrat a'in. Wa rabbil ka'ba, c'est ça qurrat a'in. C'est pas que ton enfant finisse ingénieur, il finisse youtubeur, comme ça existe maintenant, un nouveau métier. Wal a'yadu billah. Non, qurrat a'in, c'est quoi qurrat a'yunina? C'est de voir nos enfants qui jeûnent, de voir nos enfants qui se lèvent pour le sahur, de voir nos enfants qui disent, Abi, tu me réveilles pour la salat, tu me réveilles pour le sahur. Abi, est-ce que tu as fait tes invocations? Moi, j'ai fait mes invocations. Qurrat a'in, hadha barakallahu fikum. On ne néglige pas nos personnes, on ne néglige pas nos familles non plus. Il se peut que tu ne finisses pas Ramadan, il se peut qu'elles ne reviennent pas ces jours-là, mais tu auras ces enfants que tu auras éduqués, qui eux, toute leur vie ensuite, durant ces 10 dernières nuits, se rappelleront comment est-ce que tu étais. Et qui ils redoubleront d'efforts durant ces 10 dernières nuits. Ils invoqueront pour toi. Et ce jour-là, le jour de la rencontre avec Allah, tu seras élevé dans les hauts degrés du paradis. Des degrés que tu ne pensais pas avoir. Et tu diras, oh mon Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai cela? Et on te dira, l'istirfari waladilak. Parce que ton enfant, après ta mort, a invoqué le pardon pour toi. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين وهو الحي القيوم وهو الجواد الكريم أن يمن علينا بإصلاح ذرياتنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار ويتقبل منا الصيام والقيام وأن يعيننا على ذكر وشكر وحسن عبادته ويوفقنا لإدراك ليلة القدر إيمانا قياما إيمانا واحتسابا. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le vivant qui ne meurt jamais, celui qui donne avec largesse, celui qui est le généreux, le détenteur de l'énorme grâce. On lui demande de réformer nos familles, nos enfants, qu'il nous permette de finir ce mois en beauté, qu'il nous permette d'atteindre Laylatul Qadr et d'œuvrer comme il plaira à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il ne nous joigne pas au nombre des insouciants, qu'il ne nous joigne pas au nombre des perdants, qu'il ne nous joigne pas au nombre de ceux qui auront eu que la faim et que la soif. Laylatul Qadr, comme nous le dit le prophète alayhi salatu wassalam, se trouve dans les 10 dernières nuits. Et le plus espéré est qu'elle est dans les nuits impaires. Et plus espéré encore dans les 7 dernières nuits. Et plus espéré encore la nuit du 27e nuit. Tout cela est appuyé par des hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Ou Al-Bukhari ou Al-Muslim. L'imam Muslim, rahmatullahi alayhima. Les plus grands rapporteurs de hadiths de l'islam, les plus authentiques plutôt. On nous rapporte dans le Bukhari Muslim, Taharraw laylat al-qadr fil ashr al-awakhir min Ramadan. Recherchez la nuit du destin dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Dans le recueil de l'imam Bukhari, Taharraw laylat al-qadr fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Cherchez laylat al-qadr dans les nuits impaires parmi les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Un autre hadith rapporté par le Bukhari Muslim, من كان متحريا فليتحرى فليتحرها في سبع الأواخر. Celui qui la recherche, sérieusement, qui la recherche dans les 7 dernières nuits. Dans les 7 dernières nuits. Et Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, a dit, Wallah, il jure par Allah. Il jure par Allah, je sais ou je pense savoir quelle est cette nuit allati amarana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi qiyamha, Il jure par Allah. Puis il dit, radiallahu an. Je sais ou je pense savoir quelle est cette nuit que nous a ordonné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de prier. C'est la 27e nuit rapportée par l'imam Muslim. Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, nous dit: la parole prépondérante d'entre les paroles de savants est qu'elle est dans une nuit impaire, dans les 10 dernières nuits, et qu'elle change d'une année à une autre. Elle peut changer d'une année à une autre. Elle peut être le 27, l'année suivante elle peut être le 21, elle peut être le 23, et ainsi de suite. Certains savants disent qu'elle peut même être, dans une nuit paire. Elle peut être dans une nuit paire. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas se dire « je vais tenter ». Non, le prophète sallam a parlé aux faibles, a dit, en disant « celui qui est fatigué ou celui qui a un empêchement, ben qu'il fournisse vraiment tous ses efforts dans les 7 dernières nuits ». Vous voyez, il n'a pas dit une seule nuit. Non, on fait tout ce qui est dans notre possible. Maintenant, qu'est-ce qu'une nuit impaire? Beaucoup disent, est-ce qu'on est dans une nuit impaire? Est-ce que, si tu comptes du premier jour de Ramadan, alors cette nuit-là est la première nuit impaire. C'est la 21e. Et hier, c'était la 20e. Mais si tu comptes de la fin du mois de Ramadan, tu ne peux pas savoir. Parce que ça dépendra du nombre de jours de cette année pour le mois de Ramadan. Est-ce que c'est 29 ou c'est 30? Parce que si ça tombe 29, ça va tout décaler. Et la nuit que tu auras pensé être père, elle aura été en réalité impaire. Donc ton calcul aura été faussé. C'est pour cela qu'il faut faire des efforts dans les 10 dernières nuits. Écoutez le hadith rapporté par l'imam Bukhari. Si je ne me trompe pas, c'est le hadith 2021. Il tamisuha fil ashil awakhir min Ramadan. Le prophète sallam nous dit, recherchez-la dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Puis il dit, fitis'atin baqina minha. Puis il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, recherchez-la lorsqu'il restera 9 nuits. Seb'atin baqina. Quand il restera 7 nuits. Khamsatin baqina. Lorsqu'il restera 5 nuits. Dans la version de Tirmidhi, lorsqu'il en restera 3, et ainsi de suite. Donc, là, le comptage se fait de la fin. Se fait des jours restants. De ce point de vue-là, tu ne seras les nuits impaires qu'à la fin du mois. Parce que c'est à la fin du mois que tu diras, il est resté une nuit, c'est la nuit impaire. Il est resté 3 nuits, c'est la nuit impaire. Il est resté 5 nuits, c'était la nuit impaire. Il est resté 7 nuits, c'était la nuit impaire. Il est resté 9 nuits, c'était la nuit impaire. Tout ça pour dire, elle est cachée. Elle est dans les 10 dernières nuits. Faites des efforts dans les 10 dernières nuits. Jazakumullahu khayran. Waffakanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا